bon bi nak c'est deux copains quoi xam nga Hassane ak Ousseynou quoi yo xamné dañu nularon biñ bokkon classe yoy bon des années plus tard nak xam nga ñu gissanté ils sont retrouvés town affaire yoy gissanté bon jamm santé xam nga fatelu ko jamono tout ça xam nga tok ba sag ba Hassane ko mais attends weuse yow xam na fat nga mais yow boy nu ñu mëne marche genre maman va au marché weuse nako boy attends azu yo tak lama tek boy lolu boy terminaison int la xam nga azu nako doma ram yow faté wa boy faté c'est bien boy nonu la